L'ensemble de ses poèmes est enregistré par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Masseuse. Ô ma masseuse, tes mains heureuses sur ma peau huileuse, plus d'une heure, pur beurre, pur bonheur. Ô ma masseuse, tes bras qui dansent, ambiance vaporeuse. Ô, massée, étirée des extrémités au centre, où toi seul entres. Ô détente magique, à la descente de la table de massage, je m'expose, lubrique, passage, le corps offert, la queue pleine d'envie de se dresser en l'air, qu'alors ravie tu viens satisfaire. Supplément spécial, massage facial.